Je lance une bouteille à la mer, messagerie maritime. Je lance une bouteille à la mer, une bouteille de gin. La bouteille, je l'ai bu, et mon divan chavire. Je lance une bouteille à la mer. Hic. Dans la bouteille, j'ai mis un message de détresse, un papier où j'ai écrit S-O-I-C. Et je l'ai lancé à bâbord de mon divan qui tangue. Je lance une bouteille à la mort. Hop là. Je lance deux bouteilles à la mer, messagerie maritime. Si la première se perd, la deuxième, j'imagine, ira au gré des flots verts en Amérique, à moins qu'elle n'aille à l'envers. Bof. Et puis tiens, je me lance à la mer, messagerie posthume. Et puis tiens, je me lance à la mer, tume. Je termine mon histoire d'alcool. Hic. La mer, c'est pas la mer à boire. Plouf.